je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a deux choses à dire et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire. Jamais...